de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Dans les cahiers de Malte Lauritz-Brigge, le roman de Rainer Maria Rilke, le narrateur raconte sa méfiance à l'égard de la musique depuis l'enfance. Non parce qu'elle me soulevait plus violemment que tout hors de moi-même, écrit-il, mais parce que j'avais remarqué qu'elle ne me déposait plus où elle m'avait trouvé, mais plus bas, quelque part dans l'inachevé. C'est pourtant par la grâce d'un philosophe amoureux de musique que cette belle expression, quelque part dans l'inachevé, connut une certaine renommée. En 1978 paraissait sous ce titre un dialogue entre Vladimir Jankélévitch et Béatrice Berlowitz, dans lequel l'auteur du Traité des Vertus acceptait de présenter les grands thèmes qui animaient sa réflexion, l'innocence, la mort, le temps, la nostalgie, l'humour, le je ne sais quoi et le presque rien, et la musique. Le 13 novembre 2008, dans le cadre d'une série d'émissions consacrées à la thématique de l'inachèvement dans les nouveaux chemins de la connaissance, Raphaël Antoven recevait le philosophe Lucien Gerfagnon, qui fut l'élève et l'ami de Jankélévitch, pour évoquer cet ouvrage et la pensée singulière de son auteur. Hey, you know what? Suite et avant-dernière étape ce jeudi d'une semaine sur l'inachevé dans les nouveaux chemins de la connaissance. Cette semaine, intitulée « Quelque part dans l'inachevé » en hommage au magnifique livre d'entretien de Vladimir Jankélévitch et Béatrice Berlowitz, ne pouvait pas manquer d'évoquer en détail un tel livre, non seulement parce qu'il résume en peu de mots l'œuvre circulaire et virevoltante de Vladimir Jankélévitch, mais aussi et surtout bien sûr parce que la philosophie de Jankélévitch, c'est-à-dire la philosophie de Bergson plus la mélancolie, délivre le secret d'une pensée positive de l'inachèvement. Et c'est en compagnie, chers auditeurs, du tout jeune Lucien Gerfagnon que nous allons passer. Voilà. Que nous allons passer les 50 minutes qui viennent. Lucien Gerfagnon, dont, ce qui n'est pas banal, Vladimir Jankélévitch était le directeur de thèse et qui vient de lui consacrer un petit ouvrage délicieusement précis intitulé Entrevoir et vouloir, paru aux éditions de la Transparence. Bonjour, camarade. Bonjour, cher Raphaël, heureux de me retrouver avec vous une fois de plus. Jamais une fois de trop. Absolument, et ça n'est jamais la dernière, et bienvenue sur France Culture. Avec quelques mesures de la troisième symphonie inachevée de Borodine que nous commençons cette émission avec vous, Lucien Gerfagnon, dont Vladimir Jankélévitch et Béatrice Berlowitz avaient choisi de mettre en exergue une portée pour commencer cette série d'entretiens. Oui, et vous dites cela, voyez, et je me retrouve chez lui quai aux fleurs et je revois ces deux immenses pianos et j'évoquais notre maître. Oh, qui n'aurait pas aimé que je l'appelle comme ça. Mais il l'était. Il l'était, je le revois, on l'entend. Et il est toujours là. Mon œuvre à moi, écrivait Vladimir Jankélévitch, ne sera une œuvre, si jamais elle doit en être une, qu'après coup. Son accession au statut d'œuvre achevée sera donc dans tous les cas une promotion posthume. Qu'en est-il, Lucien Gerfagnon, maintenant qu'il est mort ? Il est mort, vous me l'apprenez, parce que moi je crois que c'est un air qui se donne. Il n'est pas mort, Jankélévitch, et notre Vladimir Jankélévitch, il est toujours là, je l'entends, je le vois, je sais que à un moment donné du temps, je le reverrai, et puis il me dira des tas de choses qui changeront ma vie, comme tout ce qu'il racontait changeait chaque fois ma vie. C'est le miracle de la voix de Vladimir Jankélévitch, d'ailleurs, dont on entend... Il y avait la voix, une voix qui tournoyait et qui rendait drôle les choses les plus terribles, les plus difficiles à comprendre. Tout à coup, elles apparaissaient presque humoristiques et du coup, on comprenait pourquoi on n'avait pas compris, etc. Vous voyez, il y avait, il parlait comme ça, n'est-ce pas ? Il y avait une présence. Il n'avait rien de ces philosophes, ce qu'il appelait lui-même le penseur sachant penser, dont toute parole est historique, il faut bien dire, n'est-ce pas ? Il n'avait rien de la pesanteur de ceux qui, de leur vivant, font œuvre. Dit ceci, il parle de l'acte d'écrire, mais il parle de l'écriture comme on parle de la parole. Il dit l'acte d'écrire exige une parfaite innocence. Et l'innocence est de plus en plus rare, précise-t-il, dans ce guignol philosophique où l'opinion des autres et la gloire de paraître son reine, où tout commence par un manuscrit et finit par un manuscrit. Oui, et la joie de se trouver dans une bibliothèque et de se dire « je suis un tel », etc. C'est-à-dire à l'opposé de ce qu'il était. Je ne l'ai jamais vu autrement que éternellement jeune, ne croyant pas en lui, parce qu'il savait très bien que celui qui croit en lui-même a déjà raté le plus gros de sa vie, n'est-ce pas ? Comment qualifier l'écrivain qui dès cette vie ferait son courrier en pensant déjà à sa correspondance générale et à ses futures œuvres complètes ? Pour lui, c'est un pitre, celui-là. Oui, exactement. Comme aujourd'hui, vous avez des jeunes gens, qui songent déjà à leur fin de carrière, à leur indice de fin de carrière et à leur décoration. Or, lui, précisément, et voyez, pour un peu, je me prendrai sa voix. Allez-y. De toute façon, il parle à travers votre voix, oui, Michel Lafagnon. Oh, c'est trop beau ce que vous dites là, si ça pouvait être vrai. Mais en fait, voyez ce qui. C'était un éveilleur. Quand vous aviez rencontré une fois Vladimir Jankélévitch, vous descendiez de chez lui, vous n'étiez plus le même, et vous n'aviez même pas besoin de vous demander pourquoi cela était. C'était pas à vous-même que vous vous étiez mis à vous intéresser, mais c'était au fait que vous étiez autre et que tout allait être autre. De sorte qu'on n'en a jamais fini avec lui. Si Vladimir Jankélévitch est le penseur de l'inachevé, c'est parce que non seulement son œuvre est inachevée dans l'acte même d'écrire, mais qu'une fois qu'elle est écrite, Vladimir Jankélévitch est mort il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans maintenant. Mais cette œuvre, une fois qu'elle est écrite, scintille malgré tout. Vous dites vous-même dans votre livre que la première fois que vous avez rencontré Jankélévitch, il était mort depuis 20 ans. Depuis, vous dites vous-même que vous ne l'avez jamais quitté. J'ai beaucoup aimé ce que vous disiez là dans votre bouquin. Une fois qu'on a vécu avec lui, il n'y a qu'un ennui, c'est qu'on risque de prendre les autres un petit peu, on les regarder avec un certain humour qui était le sien. Et on se sentait un peu traversé, avec toujours la possibilité d'une envie de rigoler chez lui, qui ne demandait qu'à se satisfaire discrètement, genre. Mais vous saviez que vous étiez en danger d'être en quelque sorte brocardé intérieurement. Et surtout celui qui était en danger à ses yeux, Lucien Gerfagnon, et vous qui le connaissiez, le savait mieux que personne. Le danger à ses yeux, c'était de jouer son propre rôle. C'était de se prendre pour soi-même. D'ailleurs, un peu comme Sartre, on peut penser au garçon de café qui joue au garçon de café. C'était de jouer son propre rôle. Il dit « Cet homme charmant était un charmeur, c'est-à-dire un pitre. Cet homme si plein d'humour était un humoriste, c'est-à-dire un clown. Cet homme effacé et modeste, un vaniteux subtil qui a trouvé le moyen d'attirer et de collecter les louanges. » Oui, et celui qui, dans sa salle de bain le matin, n'en revient pas d'être le seul à s'appeler Monsieur un tel. Ça, c'est quelque chose dont on n'est absolument plus tenté quand on a rencontré une fois Jankélévitch, ou même quand on l'a rencontré dans ses livres. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer dans ma Rome, faciat faciem, dirait-on en latin pour faire joli. Mais face à face. Personnellement, quand je l'ai rencontré pour la première fois, c'était dans un énorme bouquin. J'espérais un jour trouver l'absolu. Rien que ça, vous savez, quand on est jeune, vous savez ce que c'est. J'espérais trouver l'absolu, un absolu qui se traduirait en mots. Bien sûr. Et puis je suis tombé sur le traité des vertus. Et alors là, je me suis envoyé de A jusqu'à Z. C'est admirable, ça, parce que ça fait plusieurs milliers de pages quand même. Ça fait, oui. Et pas un instant, je ne me suis ennuyé. Par moments, je me demandais pourquoi je ne m'ennuyais pas quand je voyais ça. Et puis, tout soudain, je me suis aperçu que ma vie ne serait plus jamais la même, que le mot de vertu aurait un autre sens, que je ne pourrais jamais me dire vertu, ou alors à ce moment-là, j'éclaterais de rire. Mais c'est ça le paradoxe, Lucien Jarfagnon, parce que le traité des vertus, qui est un livre si volumineux qu'en ce qui me concerne, je n'ai jamais réussi à trouver le temps de le finir, tout simplement, de l'achever. C'est peut-être mieux comme ça, d'ailleurs. Le traité des vertus. L'achever, pas comme on achève un blessé. Mais c'est précisément le problème, c'est que le mot veut dire l'un et l'autre. Voilà. Et que la perfection, en ce sens, cela n'est pas de ce monde, perfection au sens d'achèvement. Le traité des vertus est un texte tout à fait remarquable, mais qui culmine à chaque instant, à chaque page, dans l'idée que nous n'avons jamais, qu'aucune vertu finalement n'est identifiable comme telle, que toute vertu se résume à l'amour, et que toute vertu énoncée, dogmatique, qui se prendrait pour elle-même, est aussitôt une illusion. Et quelque chose même de nocif. Le vertuisme. Oui, le vertuisme, c'est quelque chose qui s'attrape, ça n'est pas facile, il n'est pas facile d'en guérir. Il faudrait de sacrées doses de Jankélévitch et encore n'avoir pas d'allergie comme certains qui aiment le pontifical, qui aiment les phrases un peu avec la lourdeur de la science, du savoir. Alors lui, c'était tout autre chose, prodigieusement savant, mais tellement simple, tellement simple. Ravel, lui aussi, disait quelque chose dans ce genre, sans doute par défi, avec un grain d'humour, quand on s'extasiait sur la longue phrase de l'adagio du concerto en sol, effusion merveilleuse, où c'est la continuité même de l'inspiration qui semble chanter et se dérouler pour nous. Ravel prétendait paradoxalement l'avoir ouvragé comme une marqueterie. Personne ne parlait mieux de musique que Vladimir Jankélévitch, Lucien Jarfagnon. Personne n'en parlait mieux, précisément parce que il la pratiquait. Il la pratiquait, c'est-à-dire que dans sa tête, chaque fois, et dans son cœur, il recréait ce qui avait été créé à un moment donné du temps. Et comme tout ce qui se crée sur cette terre, il faut que ce soit à chaque instant recréé. Sans quoi c'est mort. Lorsqu'il n'y aura plus rien en ce monde, qu'est-ce qui saura que Chopin a écrit ceci, que C'est impensable. Chaque fois est une pointe aiguë, unique dans toute l'éternité et par conséquent incomparable, irremplaçable, inimitable, inestimable, plus que rarissime, précieuse infiniment. Et pour nous, réaliser cela, c'est une pointe sur un point, dit-il, une pointe sur un point. Autrement dit, Acumen acuminis. La beauté, voilà, la beauté, c'est, ça surgit. Et quelqu'un qui dirait, c'est pas tout ça, ce matin, il faut absolument que je fasse de la beauté. J'ai un peu peur que cette beauté soit inquiétante, que le résultat ne soit pas tout à fait ce qu'il eût aimé. C'est comme quand on écrit. Si on se met à son bureau en disant « je vais écrire des paroles immortelles », bon, il vaut mieux tout de suite balancer ça à la corbeille avant qu'il soit trop tard. C'est-à-dire avant d'avoir commencé à les écrire Il vaut mieux. Mais il le dit d'ailleurs lui-même. Il vaut mieux... Il y a des moments où il vaut mieux se taire, parce qu'au moins, on ne risque pas de faire naître dans l'âme de quelqu'un quelque chose qui n'irait pas très bien. Il disait d'ailleurs lui-même que le fait d'écrire, d'abord qu'il était davantage un homme de l'oral que de l'écrit, et que le fait d'écrire était certes une joie, mais que le fait d'avoir écrit était en lui-même assez mortifère. Il rappelait d'ailleurs les... Je sais qu'il n'aimait pas qu'on le lui dise, mais ce genre de parole de Jean Kelevitch, il y a l'acte d'écrire et il y a l'acte d'avoir écrit. Cette critique de l'acte d'avoir écrit au profit de l'acte d'écrire, l'acte même d'écrire, rappelle les paroles de Nietzsche à la fin de Par-delà bien et mal, où il regrette d'avoir écrit son livre. Il est vrai que pour Jean Kelevitch, l'important, c'était toujours... le fait de qui importe, c'était ça l'important, c'était pas la chose elle-même, mais le fait que la chose soit là, qu'elle ait été là, etc. Donc il faut bien se garder, selon lui, de s'installer dans le « je suis en train de »,« j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». L'avenir de notre passé n'intéresse que celui qui s'intéresse à lui-même, qui se regarde, qui se poulotte l'âme, et ça n'a aucun intérêt, absolument aucun intérêt, parce que notre vie, c'est une série d'instants que nous devons essayer de capter, parce que chaque instant est le tout dernier en même temps que le tout premier. Donc nous sommes insaisissables. Vladimir Jankélévitch forge un néologisme pour cela, hein, sur cette qualité de l'instant. Vladimir Jankélévitch est un penseur du temps, le disciple de Bergson, un penseur du temps. Le néologisme qu'il formule, qu'il fabrique, il aimait beaucoup les néologismes, celui qu'il fabrique inoubliable, justement, inoubliable parce qu'il décrit la fugacité, c'est prime ultime. Il dit ceci, le premier dernier baiser, la prime ultime rencontre. Un doute éternel enveloppera dans son linceul d'incertitude ce qui jamais ne fut réitéré. Oui, et il avait ce sentiment aussi de l'insaisissable qu'il faut tenter de saisir quand il passe à notre portée. Ne manquez pas votre unique journée de printemps, votre unique matinée de printemps, car tout à l'heure, ça ne sera plus ce moment-là. Avant, ça ne l'était pas. Tout à l'heure, ça ne le sera plus. Et ce maintenant, vous ne pouvez pas vous y installer, c'est impossible. La vie fuit, vous fuyez avec... Mais le paradoxe, Lucien Chafagnon, c'est qu'on ne peut pas s'y installer, mais pourtant on y est tout le temps. On y est au moins un certain temps. Et la conscience d'avoir à perdre un jour conscience, c'est quelque chose qui change aussi la vision que nous avons du temps. Nous savons qu'un jour, nous ne serons plus... mais nous pouvons toujours nous demander si nous ne serons pas autre chose. C'est une question qu'on peut toujours se poser. Vladimir Jankélévitch est un penseur du présent et il dit, souvent d'ailleurs, quand on travaille, Lucien Chafagnon, vous savez ça par cœur, il arrive parfois qu'on ait une idée. Et que cette idée, on la perde. Et à partir de là, deux comportements possibles. Un horizon qui prouvait tout. Eh oui, un horizon qui prouvait tout. Mais deux comportements sont possibles à partir de là. On a perdu l'idée. On se dit, bon, cette idée est perdue, mais enfin, on présentera l'ardoise dans l'au-delà. Et cette idée perdue nous sera rendue ce jour-là avec armes, bagages et rubans. Et l'autre possibilité, c'est de partir à la recherche de cette idée. Jean Kelevitch dit ceci. Il m'arrive quelquefois, tout en faisant mon cours, de vouloir noter une idée qui me vient à l'esprit. Mais le temps presse, je ne peux que la gribouiller à la hâte, et elle demeurera illisible pour moi. Je perds ainsi beaucoup de temps à rattraper l'idée en fuite. Le plus souvent, la fugitive est à jamais perdue. Sans doute ne valait-elle pas la peine, l'idée perdue, qu'on la recherche si anxieusement. Ce n'est pas parce qu'elle est géniale qu'on la recherche, mais c'est sans doute parce qu'on la recherche et parce qu'elle est perdue qu'elle a l'air après coup si géniale. Oui, et cette idée perdue, c'est la vie perdue, c'est tout est perdu. Est-ce qu'un paradis peut être, il dit quelque part, n'est-ce pas, un paradis peut-il être autre chose que perdu? Chez Albéniz, le raffinement et la subtilité extrême s'expriment non pas par la raréfaction de la matière harmonique, mais au contraire par la splendeur du tissu instrumental et des accords scintillants, la folle prodigalité au dehors, le bourgeonnement des notes à l'intérieur de l'accord. Voyez, Lucien Gerfagnon, à mesure que nous cherchons davantage à nous installer dans la pensée du philosophe au lieu d'en faire le tour, nous voyons sa doctrine se transfigurer. D'abord, la complication diminue, puis les parties entrent les unes dans les autres, enfin tout se ramasse en un point unique, dont nous sentons qu'on pourrait se rapprocher de plus en plus, quoi qu'il faille désespérer d'y atteindre. En ce point est quelque chose de simple, d'infiniment simple, de si extraordinairement simple que le philosophe n'a jamais réussi à le dire, et c'est pourquoi il a parlé toute sa vie. Il ne pouvait formuler ce qu'il avait dans l'esprit sans se sentir obligé de corriger sa formule, puis de corriger sa correction, ainsi de théorie en théorie, se rectifiant alors qu'il croyait se compléter. Il n'a fait autre chose par une complication qui appelait la complication et par des développements juxtaposés à des développements que rendre, avec une approximation croissante, la simplicité de son intuition originelle. Ça n'est pas du Vladimir Jankélévitch, ça, mais presque, Lucien Gerfagnon. C'est évidemment aussi, et par derrière Jean Kelevitch et par derrière Bergson, cette lumière qui leur vient de Plotin, l'extraordinaire Plotin. Le merveilleux Plotin, le auquel merveilleux vous avez consacré Plotin mille... que j'ai rencontré en rentrant d'un certain tourisme en Allemagne dans les années 45, de 43-45, et rentrant de ce tourisme, je suis tombé sur Plotin et je ne l'ai plus jamais quitté de ma vie. Et j'ai eu la joie... Vous voulez dire qu'il est entré dans votre vie et vous n'en êtes jamais sorti? Je n'en suis jamais sorti. Et voyez-vous, et je sais qu'il en est arrivé de même à Bergson et qu'il en est arrivé de même à Jean Kelevitch, et je le sais d'autant mieux que On m'a demandé de préfacer le diplôme d'études supérieures que Jean Kelevitch avait consacré précisément à un passage des Énéades de Plotin. C'est ainsi que la boucle est bouclée. Et Plotin, Bergson, Jean Kelevitch et Gerfagnon. Oui, mais Gerfagnon, il est là. D'abord, pour l'instant, là, Gerfagnon est sur Terre, donc... Oui, mais Jean Kelevitch aussi. Bien sûr, mais il est autrement. Il ne craint plus de croire en lui, n'est-ce pas, puisque il est justement dans le haplus, dans le simple, cette extraordinaire intuition de la simplicité d'où tout part, et qui à chaque instant charmait en quelque sorte la prose de Jean Kelevitch. Et alors Plotin, effectivement, qui est l'ancêtre commun de Vladimir Jean Kelevitch, enfin de Henri Bergson, et donc de Vladimir Jean Kelevitch, on pourrait dire que c'est presque son grand-père d'ailleurs, oui. Et le penseur, alors lui parlait d'unité, d'unicité. Bergson a repris, oui, ça sur le thème de la simplicité. Jean Kelevitch, oui, a beaucoup écrit pour dire qu'il était très difficile de faire simple. Oui, à vrai dire, c'est la chose la plus difficile qui soit, le simple. Essayer de faire simple, donner une définition du simple, et du coup, vous tombez dans le compliqué. Le simple, selon Plotin, ça se rencontre au moment où on ne s'y attend pas. Au moment où vous n'y songez pas, tout à coup, le monde se met à être là, et c'est comme si vous le voyez procéder dans sa multiplicité infinie, c'est comme si vous le voyez procéder de ce point ou de cette pointe qui disparaît aussitôt qu'elle vous était apparue. Ça lui est arrivé 3 fois dans sa vie, paraît-il, à Plotin, 3 fois. Et d'avoir rencontré. C'est ce que les gens, les philosophes appellent l'extase, mais en réalité... Ce qui est extraordinaire, c'est que pour parvenir à cet état, Lucien Gerfagnon, il faut s'oublier soi-même. Or, on appelle ça l'éveil à soi-même. Et précisément, c'est un... faut s'éveiller à la partie de soi-même qui se voit n'exister qu'en dépendance de... voilà, si vous vous voyez tranquillement installé dans un bon fauteuil en train de réfléchir à la simplicité, là vous ne risquez pas de rencontrer cette simplicité. C'est quand tout à coup l'univers n'est plus du tout naturel et vous vous apercevez l'espace d'un instant qu'il y a quelque chose plutôt que rien et que ce quelque chose doit bien procéder de quelque part ce quelque part, vous ne pourrez jamais le saisir, vous ne pourrez jamais le... Quelquefois, vous le chosifiez, vous en faites un être suprême. C'est ce que j'allais vous dire. Indéfiniment recyclé, d'ailleurs, l'être suprême. Mais est-ce que la simplicité ne consiste pas à abjurer cette question, finalement? Cette question, oui, de l'origine. À remplacer, j'allais vous dire, par la question. Mais la question de savoir pourquoi les choses sont ce qu'elles sont, par la question de savoir d'où vient le besoin qu'on a de chercher pourquoi elles sont ce qu'elles sont. Précisément, oui, ce détour par soi-même. Et là-dessus, Jean Kelevitch était un des meilleurs connaisseurs des grands mystiques, notamment des mystiques réno-flamands, et puis même des mystiques de l'Antiquité, de pseudo-Denis, ces gens-là. Ou de Grégoire de Nazianze qui dit « Oh, toi, en parlant à Dieu, il dit « Oh, toi, l'au-delà de tout, n'est-ce pas, epekeina ton panton, toi, l'au-delà de tout, n'est-ce pas là tout ce qu'on peut dire de toi ?» Et l'au-delà de tout. Plotin avait la hantise de cet un qui était... ce dont procédait l'être, hein, et de l'être procédait l'âme du monde, et de l'âme du monde procédait tout ce qui est animé, etc. Mais Lucien Gerfagnon, l'origine commune, il y a un arrière-grand-père à tous ces gens-là, c'est Platon. Platon. Dans la République, Platon, très brièvement, en 3 mots, cesse d'être platonicien en parlant de quelque chose qui se trouverait Pecheinate Soucias, au-delà de l'essence. Justement, Plotin, au-delà de l'usia. Et Plotin, s'inspirant de Platon, c'est-à-dire... Il reprend le terme, Plotin, remplit l'expression, vous avez raison. Et c'est le moment où Plotin parle de la beauté, et où la beauté n'est plus symétrique, n'est plus mathématique, n'est plus l'auxiliaire du vrai, pour devenir une fin en soi, pour devenir un objet singulier, et où on retrouve toute l'intuition qui est celle de Bergson, celle du rapport à l'objet, et celle, par exemple, et chez Jankélévitch, d'une musique qui, au lieu de nous emmener dans un autre monde, nous ramènerait au réel, précisément. Nous ramènerait au réel, mais un réel qui serait perçu autrement qu'il ne l'était avant que cette expérience nous ait illuminé, nous ait bousculé. C'est différent. On voit, j'allais dire, on entend la musique naître, alors qu'avant, c'était de la musique. Voilà. Souvenirs ne forment pas un capital. Tous les préjugés sur la mémoire se rattachent, sous une forme ou une autre, à ce mythe de la conservation des souvenirs. L'homme qui a des souvenirs se considère comme le gardien d'un dépôt, au sens où il serait gardien des traditions, conservateur des archives. Si les souvenirs sont une richesse, la mémoire doit être le coffre-fort où on les enferme. La mémoire, ainsi entendue, est le lieu des pensées lourdes, alors que la réminiscence est une apparition fugitive dans le ciel du présent. Cette apparition traverse par éclairs la musique de Debussy et nous laisse ensuite bouleversés. En somme, ce qu'on disait Lucien Gerfagnon tout à l'heure en parlant de simplicité, cette expérience de la simplicité, qui est une expérience évidente, non corrélée à une vérité d'ailleurs, simple à faire, si difficile à décrire, c'est ce que Jankélévitch décrit, lui, en parlant d'immédiat. Oui, l'immédiat. Dans notre journée, dans nos heures, dans nos, à tout moment, nos minutes, il y a toujours des calculs. Des recherches de causes et d'effets. Nous nous demandons pourquoi ceci, pourquoi cela, et comment ça se passe, etc. Il y a cependant une chose dont il faudrait s'étonner, c'est très précisément que nous soyons en train de nous poser ces questions. Et cette présence soudaine de soi à soi, au travers de laquelle nous percevons ce qu'on appelle les choses, l'univers. Comment se fait-il, j'allais dire qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, Leibniz le seul demandait, mais comment se fait-il même que ça m'étonne qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, et que je sois en train de m'étonner du fait que je m'étonne. À chaque instant, pour peu qu'on y réfléchisse, ça ne se comprend pas. On parlait hier, Lucien Gerfagnon, avec Valerio Adami, qui était à votre place, dans cette semaine que le Nouveau Chemin de la Connaissance consacre à l'inachevé, en général. Enfin, en général et en singulier, donc. On parlait du statut de l'étonnement. Et de l'idée qu'il y avait deux figures de l'étonnement. Un étonnement... Thomas Zane. Un étonnement qui se résout en théorie, et un étonnement qui se maintient lui-même. Oui. Et ça, c'est Jankélévitch. Oui, cultiver en quelque sorte, il y aurait deux manières de cultiver l'étonnement. Il faut absolument que je m'étonne, c'est pas tout ça, il va falloir que je m'étonne tout à l'heure, n'est-ce pas? Là, on est au moins certain d'une chose, il vaut mieux arrêter, n'est-ce pas? Mais il y a le fait de s'apercevoir tout à coup qu'on est étonné, et ça, c'est une certaine disposition d'esprit. C'est quand soi-même, quand on ne se prend pas soi-même au sérieux, comme vous disiez tout à l'heure, n'est-ce pas, quand à propos de tel texte de Jean Kelevich, n'est-ce pas, que nous ne sommes pas un musée de toutes sortes de choses, un musée des lectures, un musée des sensations, un musée des amours, si tant est, musée de ceci, cela. Si nous nous considérons comme un coffre avec plein de savoirs dedans, nous ne nous étonnerons plus. Ou alors nous nous étonnerons d'en savoir autant. Mais à ce moment-là, il vaudrait nettement mieux ne pas s'étonner. Vous savez ce que disait Guitry, Lucien Jaffagnon, il disait d'une femme, il disait « Tu n'es pas assez gai pour que je te prenne au sérieux ». Oui, c'est vrai, ça. C'est exactement, oui. J'avais d'ailleurs pondu un jour, je sais plus, un article sur la façon dont Jean Kelevich pourfendait le faux humour avec du véritable humour. Un humour totalement inattendu. Un humour immédiat. Et non pas de l'humour fabriqué, comme on fabrique, je sais pas moi, des confitures. L'humour, dit-il, ressemble à ce juif sur le chemin, en route pour Kiev, où il n'a rien à faire. Et il ressemble aussi au vagabond Amour, dont nous parle Platon. L'humour est comme l'héros du banquet, selon Diotime, il est celui qui va. Mais ne lui demandez pas où, cela, il n'en sait rien. À moins qu'il ne le sache que trop bien. En fait, nous savons et nous ne savons pas. Nous vivons dans un monde fuyant, où les choses n'arrivent qu'une fois, une seule fois dans toute l'éternité, et puis plus jamais. Et l'humour est peut-être un moyen pour l'homme de s'adapter à l'irréversible, de rendre la vie plus légère et plus coulante. L'humour est taillé dans la même étoffe fluide que le devenir. L'humour est lui-même toute mobilité et toute fluence, et il s'accorde si bien au rythme de l'irréversibilité que la moindre répétition lui apparaît comme un radotage et une complaisance bouffonne. C'était terrible quand Jean Kelevich parlait de la mort, évoquait la mort, n'est-ce pas? C'était toujours, il aimait beaucoup évoquer la mort dans des circonstances parfaitement ridicules, n'est-ce pas? Le type qui s'effondre au milieu des tasses de café, de thé, en renversant toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Et c'était une manière de quitter le monde qui était assez pénible, n'est-ce pas? Grotesque. Et du coup, tout le tragique de la mort apparaissait en un instant dans ce contraste, dans cet humour méchant au possible, car il savait être méchant, mais si gentiment. Oui, mais pour voir à quel point d'ailleurs l'humour est efficace philosophiquement, Jean Kelevich, ce qu'il dit de la mort, cette façon qu'il a de rire de la mort en permanence, aussi la façon qu'il a trouvé de la prendre au sérieux. Et lui ne la futilise pas comme il dit des autres. Hein, on futilise la mort, c'est-à-dire qu'on en fait, oh c'est un mauvais moment à passer, c'est trois fois rien, et puis on a un bel enterrement, c'est bon. Mais la disparition. Le mystère de la disparition. Mais là où Jean Kelevich également parle de la mort, où on voit cette façon qu'il a d'en parler avec humour, c'est aussi la façon qu'il a d'être platonicien, d'une certaine façon, encore une fois. Non pas parce que Platon prévoit, comme une récompense dans le Phédon, par exemple, que si on s'est bien conduit, eh bien on voisine avec les dieux, si on s'est mal conduit, on reste comme un feu follet. Non, c'est pas ça qui l'intéresse. En revanche, Platon est celui qui, contre Parménide, accomplit ce qu'il appelle le parricide, en introduisant de la négativité dans l'être. En gros, oui. Pour Parménide, il y a l'être et le non-être. Pour Platon, il y a le non-être de l'être. Mm-hmm. Le repos et le non-être du mouvement. La station assise et le non-être de la station debout. Jean Kelevich, lui, fait la même chose avec la mort dans la vie. Il dit ceci, l'existence finie est une paradoxologie continuée. C'est un rapport invivable. La mort, c'est l'organe obstacle de la vie. C'est ce qui nous permet de vivre et c'est ce qui nous en empêche en même temps. Et la mort n'anéantira jamais le fait d'avoir existé. C'est en ce sens que quelque chose d'immortel se promène avec nous. Et ce fait d'avoir vécu est... Le fait d'avoir vécu. Et son viatique pour l'éternité. Précisément. il y a tout pourra s'anéantir, mais pas le fait d'avoir vécu. La musique témoigne du fait que l'essentiel en toute chose est je ne sais quoi d'insaisissable et d'ineffable. Elle renforce en nous la conviction que voici. La chose la plus importante du monde est justement celle qu'on ne peut dire. Auprès de cette chose-là, rien ne vaut la peine. Quand j'abandonne la musique pour la philosophie, il me semble revenir d'un voyage au pays de l'irrationnel, moins convaincu que jamais de la solidité des mots. La musique, c'est le langage de l'indétermination, parce qu'elle conduit avec elle plusieurs lignes de sens, sans nous obliger à choisir, n'est-ce pas ? Elle exprime et n'exprime pas, elle exprime des tas de choses ensemble, ou bien elle n'exprime rien, comme vous voudrez. Donc c'est une expression équivoque, multivoque, n'est-ce pas ? Et pas simple. Et par conséquent, qui ouvre la carrière, qui ouvre un horizon indéfini pour nous. Elle n'exprime jamais un ceci ou cela. Si les philosophes étaient des animaux, Lucien Gerfagnon, on pourrait peut-être dire que, je sais pas moi, Platon est un éléphant, Plotin un ours, Heidegger une vipère, Jean Kelevitch un papillon. Qu'en pensez-vous ? Platon serait peut-être moins lourd que l'éléphant, mais il ne fait pas de doute que... mettons que certains seraient des oiseaux, je préférerais un oiseau. Quant à Jean Kelevitch, ça marcherait très très bien pour le papillon. Je le verrai très bien. Un papillon, on ne sait jamais d'où il est parti et on sait encore moins où il ira. Et quand il se pose, ça n'est jamais pour bien longtemps. C'est tellement beau qu'on n'a pas envie de le prendre, n'est-ce pas, d'interrompre la papillonnéité, diraient les philosophes sachant philosopher. Et puis le papillon, c'est peut-être l'occasion pour Jean Kelevitch, on parlait d'immédiat tout à l'heure, Lucien Gerfagnon, et on en a parlé hier avec Valerio Adami du papillon. Le papillon, c'est l'occasion pour Jean Kelevitch d'écrire peut-être le plus beau de ses paragraphes. Il dit ceci. L'artiste joue avec l'immédiat comme le papillon avec la flamme, un jeu acrobatique et périlleux. Pour connaître intuitivement la flamme, il faudrait non seulement voir danser la petite langue de feu, mais épouser du dedans sa chaleur, joindre à l'image la sensation existentielle de la brûlure. Le papillon ne peut que s'approcher de la flamme au plus près, frôler sa chaleur brûlante et littéralement jouer avec le feu. Mais si, avide de la connaître encore mieux, il vient imprudemment à pénétrer dans la flamme elle-même, que restera-t-il de lui sinon une pincée de cendre ? Connaître la flamme du dehors en ignorant sa chaleur, ou bien connaître la flamme elle-même en se consumant en elle, savoir sans être, ou être sans savoir, tel est le dilemme. Si bien que l'absolu avec un grand A, l'absolu, c'est pour ceux qui croient pouvoir l'atteindre. Je vous disais tout à l'heure qu'en partant, avant de lire Jean Kelevitch, je courais après l'absolu et je cherchais un absolu qui serait traduit en mots. Eh bien, j'ai compris. J'ai au moins compris une chose, c'est que l'absolu ne se traduit pas en mots. On peut toujours essayer. Ça n'est jamais... Vous voyez, ce qui s'éprouve bien s'énonce malaisément. Voilà. Et en tant que, non pas philosophe, avec un P majuscule, mais en tant qu'historien de la philosophie, je regarde penser les autres. C'est mon travail. C'est parfois mon plaisir, c'est parfois mon Golgotha, mais je regarde penser les autres. Et ce que j'essaie de faire, c'est de me coucher moins... ici, il y aurait un mot très très simple et très court, mais le manuscrit est abîmé. Me coucher moins que je ne me suis levé, vous voyez. C'est la seule chose que j'espérerais. Voilà, moins... Un mot de trois lettres, moins saut, peut-être irait en trois lettres. Brassens, ça fait toute une chanson sur ce mot, sans jamais le prononcer. Je crois voir lequel. Cette chanson, d'ailleurs, s'appelle Le Blason, et nous ne l'avons pas dans nos archives aujourd'hui. Mais c'est mon rêve, me coucher moins que je ne me suis levé. Et de ce point de vue, d'ailleurs, personne n'y aide davantage que Vladimir Jankélévitch, dans la mesure où il n'enseigne pas tellement à penser par soi-même, mais davantage à penser contre soi-même. Penser contre soi-même, ne pas s'installer dans ce confort de l'intervalle, ce qu'il appelle l'intervalle. Être toujours, si possible, entre deux instants. La joie de l'instant. Mais l'instant, c'était tout à l'heure. C'était tout à l'heure. Et puis, ce sera peut-être bientôt. On vit dans le souvenir ou dans l'espérance, mais on ne vit pas dans un bon gros présent bien confortable, confortable comme un bon fauteuil. Ou alors les gens qui vivent comme ça, ils ne se posent pas de questions, il faut surtout pas les déranger. Est-ce que vous diriez de l'inachèvement qu'il est insuffisant, essentiellement insuffisant à la manière du présent, ou bien qu'il est tout entier, tout ce qu'il peut être à la manière du présent, Lucien Gerfagnon? Je serais tenté par la deuxième position. Je me dis qu'une vie, c'est une série d'instants à l'intérieur même d'un instant. Et cette présence de la mort, non pas comme terreur, cette présence de la mort m'est aussi familière que la présence de la vie. À chaque instant, je sais que, et ça me suffit à être prudent, non pas en traversant la rue, mais en pensant, si tant est que je pense. Être prudent en pensant, Mais être prudent en pensant, c'est penser hors de la vérité, ou hors des vérités révélées, Lucien Gerfagnon. Oui. Et surtout, de la vérité détenue, parce que les gens détiennent la vérité. C'est très curieux qu'on emploie ce terme de détention pour parler du vrai. Il détient la vérité. L'inachèvement, l'insuffisance font tout le prix de la vie. Pascal l'a dit en termes inoubliables. L'homme mourra, mais il sait qu'il meurt. Et en cela, au moins, il est plus fort que la mort, même si cette conscience ne l'empêche pas de mourir. Au nom de cet avantage ineffable, au nom de cette supériorité sans prix, la conscience de mourir avec la mort pour rançon, notre actuelle semi-divinité, est encore ce que nous choisirions s'il fallait choisir. L'homme le plus malheureux le confirme et le répète en son cœur. Je le ferais encore si j'avais à le faire. semble transcrire au plus près les râles des bêtes nocturnes, le craquement des branches et le froufrou des feuillages. Il n'y a plus par instant que la rumeur atonale de la nature animale et végétale. Et pourtant, cette anti-musique est tout enveloppée d'un étrange mystère. Ce mystère est le mystère inexplicable de la musique et de la poésie. Merci de tout cœur, Lucien Gerfagnon, d'être venu nous voir. Merci à vous, cher Raphaël, grâce à qui Jean Kelevitch a été là pendant un bon petit moment. Oh, vous en êtes l'artisan. Je rappelle que vous êtes professeur émérite des universités, membre associé de l'Académie d'Athènes. Voilà pour les médailles. Personne n'est parfait. Et voilà, nous venons de parler avec vous de Quelque part dans l'inachevé de Vladimir Jankélévitch. Je rappelle aussi votre livre Entre voir et vouloir, un hommage à Vladimir Jankélévitch avec une préface de François Félix aux éditions de La Transparence. Qui est un très grand ami, un excellent philosophe. Et c'est un excellent livre. C'était Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, une émission proposée par Raphaël Antoven, réalisée par Jean-Claude Loiseau et diffusée pour la première fois sur France Culture le 13 novembre 2008. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.